Tout le personnel et la direction de BR Metal et sa filiale Aluco souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Grâce à des investissements de près de 1 200 000 l'an dernier, 40 emplois ont été consolidés dans le secteur, devenant par le fait même le chef de file dans le domaine. Joyeux Noël et bonne année de la part de BR Metal, situé au 353 rue Gustave Dessureau d'Olbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-5888. Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5831. Ici Hugo Maltais, président de l'Association du hockey mineur de Robertval. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possible les activités et merci de nous encourager. On va parler de Bantam Espoir. On sait que la région du lac Saint-Jean évolue dans la ligue Bantam Espoir. Et ça va quand même assez bien. Il y a plusieurs joueurs du Haut-du-Lac qui font partie de cette ligue-là. Il y a 11 joueurs qui viennent du Haut-du-Lac, donc 10 du secteur Chambord-Robertval. Quoi qu'il en soit, on parle avec l'instructeur chef de l'équipe, Marc-André Gagnon. Bon après-midi, Marc-André. Ça va bien. Marc-André, quatrième au sein de la ligue. Est-ce que vous êtes quand même satisfait? Oui, très satisfait. Je te dirais qu'au-delà des... on a joué à date 19 parties. Okay. Puis je me souviens pas vraiment d'une partie qu'on a mal joué. Là. La façon qu'on joue présentement, on progresse super bien. On a un but, c'est sûr à la fin de remporter nos séries. Et comment qu'on progresse présentement, j'adore la manière qu'on joue. Quelle est la force de l'équipe? Je dirais qu'on est super rapide. On est une équipe qui est rapide, qu'on a une très bonne relance. La position des défenseurs. Je dirais qu'on a une belle brigade défensive et que ça l'aide beaucoup. Quand tu as des bons défenseurs pour relancer une attaque, ça l'aide. Donc, la vitesse de nos joueurs est très bonne, et ainsi que la relance. Est-ce que vraiment, là, il y a 11 joueurs qui proviennent du Haut-du-Lac. Si on parlait d'eux autres, est-ce qu'ils sont vraiment 11 sur 20? Ça veut dire que la moitié de l'équipe provient du Haut-du-Lac. C'est une année vraiment exceptionnelle, hein? On en a 10 sur 18. Fait que c'est plus que la moitié de l'équipe. J'en ai un qui réside à Albany, okay. Puis j'en ai 9 qui sont du côté là, la limite Chambord jusqu'à Saint-Félicien. OK. Oui, effectivement, c'est quand même une bonne saison pour ce côté-là. Habituellement, là, c'est plus moitié-moitié ou avantage pour les gens là, du secteur ici. Mais oui, on est très satisfait des jeunes qui sont du haut de l'équipe. Vous, votre objectif, c'était quoi? Quatrième, tu dis que tu es très satisfait. Est-ce que tu prévois quand même qu'après les fêtes, il y a toujours une montée de généralement? Est-ce que tu prévois qu'on va atteindre notre pic vers après les fêtes, quoi? Ouais, ben, je serais confiant avec l'équipe qu'on a en place. Et je dirais aussi que notre division, là, est assez relevée, là. On est quatrième, puis les trois équipes en avant de nous, c'est des équipes qui n'ont pas nécessairement de Bantam 3. Fait que c'est la. Au Québec, la division la plus forte, c'est la nôtre. Fait que quand on se situe dans un peloton comme ça de tête avec les quatre équipes comme ça, je suis très confiant. Puis de pas non plus être en tête en début de saison, ça me dérange pas. C'est de finir plus fort qui m'intéresse que commencer. Ben, c'est pas comment tu commences qui est important, c'est comment tu finis. Hein? Je t'en plains ça. Est-ce qu'il y a une rivalité avec le Saguenay? Oui, c'est sûr que quand on affronte les espoirs du Saguenay, c'est toujours des matchs assez spéciaux. Mais on essaie pas non plus de faire un plat présentement. C'est sûr qu'on va les affronter encore en série pour les provinciaux. Mais oui, c'est toujours une rivalité. Et la rivalité, je crois qu'elle a beaucoup diminué avec les années. Là. Et avant ça, là, je dirais que les entraîneurs se parlaient pas beaucoup, que les parents ça s'aimait pas. Mais avec les programmes qu'on fait, là, les regroupements, là, les défis 3 ainsi que le U14, je partage le travail avec l'entraîneur du Saguenay. Donc, on a appris à bien se connaître. Puis, on fait quand même partie de la même organisation. Hein. Les Espoirs, c'est 5 équipes. Là, le Midget, les 2 Bantams et les 2 Pee Wee. Donc, on a beaucoup à travailler ensemble. Il y a une rivalité, mais je dirais que la rivalité est bonne et est bien gérée. Okay. C'est sûr que c'est important. Hein? Puis plus ça va, on n'a pas à travailler en rivalité. Oui, une rivalité amicale, mais quand c'est une rivalité que les entraîneurs ne s'en parlent pas, c'est un peu, ça devient un peu stupide. Non, ça là, ça. Pas, on fait partie de la même région. Là. Parle-moi du programme de Bantam Espoir. Est-ce que c'est vraiment un jeune part le matin? C'est l'étude le matin. C'est à Saint-Bruno que ça se passe. Oui. Et l'après-midi, c'est un programme entièrement hockey, c'est ça? Oui. Dans le fond, les jeunes, ils prennent l'autobus. Ça dépend de où ce qu'ils résident. Ouais. Exemple, qu'un jeune qui part de Mastoyache ou de Robertval, il quitte aux alentours de 6h, 6h30. Et nous, on pratique à Alma. Pavillon Wilbrois-Dufour. Donc, le jeune arrive à l'école le matin, il a des cours jusqu'à midi 21. Par la suite, on les prend en charge jusqu'à 16 heures. Les jeunes, par semaine, ont 4 entraînements de 80 minutes. Par la suite, ils ont 2 entraînements hors glace au niveau des salles de musculation. On a une séance vidéo. Puis on se garde le vendredi, soit c'est de la récupération ou on la garde comme activité d'équipe. On rentre beaucoup là, l'aspect mental au niveau de la relaxation, de la visualisation. On veut lui faire vivre des expériences. Donc, le vendredi, souvent, on le garde pour ça. Puis en même temps, ça permet aussi de nous reposer parce que les semaines sont quand même bien remplies. Fait qu'on essaie de gérer aussi la fatigue des joueurs. Effectivement. Parlons de la nouvelle qui est sortie avant les fêtes, que l'équipe du Bantam serait abolie, Bantam de la Côte-Nord, ça a sorti dans le quotidien. Comment tu vois ça, toi? Ben, c'est sûr que je trouve ça un petit peu dommage parce que la région de la Côte-Nord développe des excellents joueurs de hockey. Puis le programme allait bien, le programme allait super bien. Et là, il faut un peu se conformer aussi avec toute la vague partout au Québec. Là. Partout au Québec, il y a des équipes Bantam 3 qui sont mises en place depuis 3 ans. Et là, ils veulent vraiment là, se conformer toutes les structures intégrées de la même façon. Nous, c'est quand même difficile parce que le territoire est super vaste. Et que ça va obliger des jeunes à aller soit en pension, de quitter leur famille pour un certain temps. Et que c'est un peu dommage là-dessus. Mais dans un autre sens, si tu penses développer des joueurs de hockey, t'espères les faire jouer dans contre les meilleurs joueurs tout le temps. Donc, je pense que c'est un peu ça leur but. Okay. Mais c'est quand même, c'est sûr que tu vas échapper des joueurs. Des joueurs qui se présenteront pas. Des joueurs qui sont propres non plus à déménager en pension. Fait que pour ce point-là, c'est quand même dommage. Parce qu'il y a des jeunes, là, qui vont faire le trajet, là. Fait que c'est quand même des gros sacrifices pour eux. Fait que, ouais. C'est un petit peu dommage. Mais dans un autre sens, ils veulent faire évoluer les meilleurs joueurs contre les meilleurs joueurs. Mais nous, on a, en raison du grand territoire, en plus qu'on inclut la Côte-Nord dans l'équipe, ça va être Ça va être beaucoup d'ajustements. Les joueurs, c'est sûr que c'est un projet embryonnaire présentement. Les joueurs, est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il y aura une espèce de maraudage entre le Saguenay et le lac? Comment ça va fonctionner? C'est sûr que c'est très embryonnaire, mais est-ce que tu seras en compétition avec le Saguenay pour attirer les meilleurs joueurs de la Côte-Nord? Non, mais dans le fond, il y aurait seulement une équipe dans le temps. OK, oui, c'est vrai. Il y aurait une équipe pour. L'équipe serait composée des joueurs de la Côte-Nord, du Saguenay et du lac. OK. Ça serait vraiment les meilleurs éléments de la structure intégrée des élites. Okay. Donc, les élites, eux, ils iraient piger dans une équipe, c'est ça? Oui, l'équipe. Ben dans le fond, avant ça, il y avait 2 équipes pour les élites. Il y avait le Midget Espoir à Jonquière, puis il y avait le Midget Espoir sur la Côte-Nord. Mais là, maintenant, les joueurs qui vont désirer jouer Midget Espoir de la Côte-Nord, il va falloir qu'ils viennent jouer à Jonquière. Ah, OK. Mais c'était positif, pareil, ce programme-là. Quand on voit les élites actuellement, les élites qui sont la meilleure équipe de la Ligue, quelque part, on était des années à ne pas produire de bons joueurs. Samuel Girard va devenir probablement un joueur européen de la Ligue nationale. C'est sûr qu'il y a eu Philippe Paradis, mais Philippe, je pense que c'est pas mal terminé pour lui en ce qui a trait aux espoirs de la Ligue nationale. Mais on va voir amener de bons joueurs là, à coucher de ce programme-là. Oui. Ben, je vous dirais là, que ici, au niveau des espoirs, là, on est bien géré, on est bien encadré avec l'organisation. Puis on, à chaque année, on assiste à des formations. Donc, on est tout le temps en train d'apprendre des nouvelles choses. On est tout le temps à vif sur les nouvelles tendances. Donc, on essaie dès Pee-wee Bantam d'enseigner ça aux jeunes. Et je pense que c'est bénéfique pour eux. Ouais, effectivement. Avec la structure intégrée qui a été mise en place il y a quelques années, ben on peut voir un petit peu les résultats. Là. C'est beaucoup travaillé les habiletés individuelles du joueur, beaucoup travaillé les aspects mentaux, beaucoup travaillé aussi là, l'athlète, là, pas nécessairement le joueur d'hockey, mais l'athlète, l'entraînement hors glace. C'est des points qu'on essaie d'inculquer à nos jeunes, puis on voit les résultats ici. Là. Parce que nous, avant les fêtes, on a pratiqué 49 fois, on a fait 30 entraînements hors glace, sans compter plein d'autres choses, mais juste ces éléments-là, ça fait en sorte qu'on est une meilleure équipe, que nos jeunes sont plus en forme, qui sont capables de maintenir un bon rythme de vie. Ben Marc-André Gagnon, félicitations, je pense que c'est pas mal le fun de votre travail. Serais-tu intéressé par le poste de cette équipe-là, ou vraiment là, tu vas y aller avec... parce que là, il y aura une équipe 2A également. Ça t'intéresse quoi? Ben moi, je vous le cacherais que c'est sûr que je viserais ce poste-là, s'il m'est offert. Le but vraiment, moi, c'est je veux coacher, je veux grandir aussi. Ça fait 2 ans que j'étais avec les Espoirs, je suis très heureux dans mes fonctions, mais c'est sûr que c'est toujours plaisant là, de pouvoir gravir des échelons tranquillement. Le but ultime, c'est de coacher. Puis si on est capable de coacher à un haut niveau, ben ouais. Okay. Ben Marc-André Gagnon, joyeuses fêtes, bonne année également, et au plaisir de se parler en 2016. Merci beaucoup. Alors, l'instructeur-chef de Bantam Espoir, Marc-André Gagnon.